Oui, bonjour, Morelive. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Ben, moi, je pense qu'il faut faire de quoi. Moi, personnellement, vous voyez peut-être pas de problème avec ça, mais moi, mettons qu'il y aurait une policière ou une juge ou avec une burqa ou une professeure d'école. Moi, je veux dire, j'ai de la misère avec ça. Oui. Moi, je veux faire affaire avec des gens qui ont le visage complètement découvert, pas que je le vois juste les yeux, le bout du nez ou à peine un peu le visage. Je veux le voir la face au complet. OK, mettons un turban. Ben, dans la police, c'est un uniforme, c'est une cadette de la police, pas un turban. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'affaire dans la police, il veut pas enlever son turban. Ça finit là. Ben, là-dessus, on s'entend. Je suis d'accord avec la CAQ, je l'ai dit. La CAQ arrive avec cette option-là. En fait, c'est l'idée de la CAQ d'imposer la laïcité à tous les organes imposant la discipline, les postes d'autorité. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, ben, je suis contre le mur à mur. La loi est pas parfaite, mais il faut faire de quoi? Mais il faut faire de quoi, monsieur? Là, c'est du mur à mur. Tu sais, on prend le problème d'un côté, mais oui. Bien, faut dire, là, eux autres, s'ils sont pas capables d'enlever le bout de tissu d'en face, là, ben, qu'ils vivent avec. Je veux dire, c'est pas notre problème à nous. C'est eux qui pour eux, le Dieu est plus important que tout le reste. Ben oui, eux, je pense les islamistes, évidemment. Ben, on peut dire nous, c'est pas les souches. Non, mais quand tu dis nous, eux, là. Ben, c'est ça, c'est les souches. Les Québécois de souche, j'entends. Puis j'ai pas de problème à affirmer ça. Les Québécois de souche, okay, donc ceux qui sont ici depuis plusieurs générations. Moi, je fais une différence entre les Québécois de souche et quelqu'un qui est ici depuis 3-4 ans. Okay. Il y a trop de différence. Mais je suis content qu'on se parle. Reste en ligne, là. On va y faire écouter l'extrait tiré d'RDI d'une musulmane qui est née ici. Okay. Elle, là, est de souche. J'en ai deux. Deux musulmanes. Oui, mais il y en a une qui n'est pas née ici. Une qui est arrivée à un an. Oui, c'est comme cette élevée. Je m'excuse. Mais l'autre, non, mais l'autre, elle est née ici. Oui. Parce que c'est le langage qu'on utilise de souche. Donc, c'est une Québécoise de souche. On écoute. Je suis Québécoise femme féministe voilée. De toujours devoir dire, mais écoutez, ça me blesse ce débat-là, politique et non sociologique, blesse fondamentalement qu'on devrait aborder cette question-là d'une différente façon. Elle, là, je sais pas où elle travaille, Jean-Claude, tu l'écoutes. En fait, c'est deux musulmanes québécoises et il y en a une qui travaille dans un hôpital et l'autre dans une école. Elle, là, elle fait pas de la promotion de sa religion en milieu de travail. Ça fait partie de sa religion, mais quand elle est au travail, elle était au travail à 100%, cette femme-là. Puis comme d'autres femmes, comme d'autres hommes également, en quoi ça vient altérer son jugement, sa prestation? Parce que tu peux avoir d'un côté un infirmier, une infirmière, un médecin paresseux, va nu-pied, quelqu'un qui fait pas bien sa job, comprends-tu? C'est de mêler les problèmes. Je veux dire, en quoi moi je veux pas que mes enfants soient enseignés par quelqu'un qui a un voile, qu'on lui a de la misère à y voir la face. Ou moi, aller me faire soigner par quelqu'un, je vois pas la face non plus. Je vais voir la face au complet. Si elle a de la misère à se montrer. Je suis d'accord avec toi. Non, mais on y voit la face, là. Non, mais on y voit la face. Elle a un voile qui fait les cheveux. Non, et on y voit pas la moitié du front. On y voit pas les oreilles. On y voit. Il se cache. Non. OK, bon. Non, on mélange les dossiers. Il se cache. Elle se cache pas. Cette femme-là, elle se cache pas. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Un visage dévoilé, ça, il y a consensus. C'est pas un visage dévoilé à moitié. Là. Moi, je veux te voir la face au complet. Là. Montre-la ta face ou t'en montres pas. Si t'en montres pas, ben, t'as pas d'affaire à te présenter devant le public. Merci d'avoir appelé. Salut, bye. Merci. Bye.